Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Amandine Elsen. Salut Amandine, comment tu vas ? Hello, bien et toi ? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, tout grand merci à toi de m'avoir invité. Super, c'est super cool. Eh bien, avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Alors, je vais t'en raconter une parce qu'elle est quand même assez longue. Et je pense que tu vas halluciner. Comme moi, j'ai halluciné à ce moment-là. C'est carrément digne d'un film dystopique. Hein. Franchement, il faut vraiment écouter pour le croire. Donc, le 22 août, je jouais ma première, hein, qui avait été reportée plusieurs fois à cause du confinement, de mon spectacle. Et si tu veux, ce jour-là, je devais avoir une super captation du spectacle entier parce qu'après, j'étais invitée au JT d'RTL. J'étais interviewée par un journaliste. Donc, il fallait... Enfin, c'est RTL à la télé en direct. Faut un super truc, tu vois. Faut pas... Faut pas filmer que la caméra de ton fils, quoi. Donc voilà. Oui, faut un truc vraiment une belle capta, quoi. Une belle capta. Et donc moi, tu vois, j'avais pas de, enfin, je voyais pas qui. Et donc je mets un mot sur Facebook et je dis bon, ben voilà, cherche un caméraman qui peut me faire une super capta et on me recommande quelqu'un, tu vois. Mmh. Alors je dis pas de nom parce qu'on peut pas dire de nom, donc on va l'appeler le caméraman. Et... Ok, donc le caméraman. Ouais, faut juste que je fasse pas une gaffe de dire le nom quand je suis dans mon histoire, mais voilà, sinon je vais donner un autre nom dans ma tête. T'inquiète pas, tu sais quoi, on peut l'appeler Jean-Luc si tu veux, parce que dans l'épisode avec Benoît Delabie, tous les personnages s'appelaient Jean-Luc en fait, leur a donné ce nom-là, il m'a dit dans ma salle, il y a que des Jean-Luc et des Brigitte. Ok, bon, on va l'appeler Jean-Luc, très bien, okay. Donc Jean-Luc, donc j'appelle Jean-Luc, tu vois. Et donc, tu me fais déjà rire en fait. Donc, j'appelle Jean-Luc et je lui dis bah, écoute, Jean-Luc, voilà, il faut que ça va pas le faire, Jean-Luc, j'en peux plus. Il faut absolument, est-ce que tu filmes bien? Alors, je t'explique, il faut trois caméras, donc un plan fixe et puis deux autres plans qui bougent, tu vois. Donc, il faut vraiment trois caméras, il faut un bon son et tout ça. Le mec, il me dit ouais, pas de souci, je sais faire tout ça, machin. Mais je le trouvais déjà un peu chelou, tu vois, genre un peu chelou. Mais je me suis dit tant pis, j'ai pas le temps, je vais le prendre lui. Ouais. Je dis ok, d'accord, si tu peux le faire, pas de souci. Je dis pour le son, est-ce que tu as ce qu'il faut? Oui, je dis le son doit être nickel également. Je dis donc. C'est important. Ouais. Tu vois, parce que c'est le JT d'RTL. Je me dis oui, j'ai tout ça. Bon, bah, parfait. Donc je le book. Je dis ok, Jean-Luc, tu feras ça le 22 août, pas de souci. Et 5 jours avant le spectacle, le mec m'appelle et il me dit oui, pour le son, j'ai pas le matos. Est-ce que tu pourrais me trouver un Tascam? Wesh, mec, en fait, c'est pas mon job, tu vois. Ouais, en train c'est quoi ça? Attends, pourquoi c'est pas fini parce que ce que je te raconte là, ça c'est rien. Toute l'histoire, tu vas halluciner. Il les a collectionnés en fait, les trucs. Donc je lui dis, ben encore bien gentil parce qu'au début j'étais très gentil, tu vois vraiment. Donc je lui dis, ben pas de souci, je vais essayer d'en trouver un. Alors que j'étais en train de répéter avec mon metteur en scène, mais je m'en fous. Je lui trouve un Tascam et je lui dis, bon ben voilà, j'ai trouvé. Faudra juste que tu aies un jack et tout ça pour lier à la console son et lumière. Moi, il me dit ça OK, va, ça reste. Voilà, ça reste dans ses cordes quand même. Ouais, enfin, attends, tu connais pas Jean-Luc. Hein. Donc... ok. Donc, le jour J arrive, tu vois. Donc, je suis au théâtre et tout. Je répète, je viens de me taper 2h30 de répète avec mon metteur en scène, donc toi, exténué. Et là, mon metteur en scène me dit, bon, retour aux loges, tu te déconcentres un peu, tu essaies de te reconnecter et de recharger l'énergie, quoi, tu vois. Donc, repos, tu te déconnectes de tout. Et là, Jean-Luc fait son entrée dans la pièce. Mauvais signe. Et alors, je me lève du canapé et je vais le voir. Et le mec, déjà, genre, il arrive quand le public était dans la salle, alors que... on devait faire un essai lumière par rapport, histoire que j'ai la compte de Casper sur le film, tu vois. C'est ça, oui, il faut faire des essais avant que le public rentre, et ses lumières, et ses sons, et c'est tout, quoi. Et non, le mec, il est arrivé genre 30 minutes avant que ça commence, déjà. Alors, tant pis, Jean-Luc, ma foi, tant pis. Et puis après, il me dit, donc il rentre dans la pièce, et il me regarde, il me dit, est-ce que t'as une caméra avec toi? Non, c'est pas vrai. Du coup, je lui dis, alors moi j'ai mes vannes, mon texte, la caméra c'est ton job quoi, tu vois. Ah non, mais c'est pas possible là. Mais genre le mec depuis le départ, il avait rien quoi. Il dit le problème c'est que j'ai finalement qu'une caméra avec moi, alors qu'il en fallait trois. Tu vois. Et je dis, mais ça c'est quand même une autre caméra. Et moi je lui dis, bah, écoute, moi tout ce que j'ai ici c'est mon appareil photo qui filme, certes, mais bon, ça, ouais, c'est un bon appareil photo, mais voilà. Et je dis, c'est pour que mon mari me prenne en photo. tu vois. Ouais. Mais il me dit oui, mais et je dis, et là, tu as quand même une deuxième caméra. Je dis tant pis, on fera avec deux caméras. Et il me dit non, parce que la deuxième, je peux pas, parce qu'en fait, j'étais la récupérée. Il n'y a pas la batterie dedans. Du coup, je dis. Donc là, je me dis, le mec, c'est pas possible, quoi. C'est un sketch, en fait. Et donc là, le metteur en scène qui m'avait dit calme-toi dans les loges et tout, je peux te dire que dans mon estomac, c'était Hiroshima, j'ai envie de défoncer. Et je me dis, et je devais monter sur scène 20 minutes après. Hein. Reste calme. Et moi, je lui dis avec une toute petite voix. Et sinon, pour le son, ça va aller. Tu vois, Au moins sauver les meubles, quoi. Il me dit, mais non, j'ai oublié la carte SD, est-ce que t'en as une? J'en peux plus, t'es cameraman, tu viens sans carte SD, sans batterie, sans... Enfin, je veux dire, c'est quoi le concept, en fait, tu vois? Mais ça, c'est que le début. Donc après, je lui dis... Oh, c'est incroyable. Oui, donc oui, vas-y. Donc après, je monte sur scène, tant pis, je me dis, bon, bah tant pis, on verra, il y aura un plan large, et puis pour les autres plans, ma foi... Mais c'est pas possible d'avoir juste un plan large, c'est hyper chiant à regarder, tu vois. Donc tant pis, je me dis, on va faire comme ça, je vais pas me prendre la tête maintenant. Je monte sur scène, je fais mon spectacle, ça se passe super bien, les gens, bah, c'est génial. À la fin du spectacle, je lui dis, alors le son, ça a au moins fonctionné? Ben non, ça n'a pas marché. Ben c'est pas grave, je ferai un film muet. Hein. Non, mais... Donc là, je me dis, je vais pas prendre la tête avec lui, ça ne sert à rien. Parce que ça ne servira à rien que je me prenne la tête, de toute façon, ça ne me donnera pas mes images. Hein. Mais oui, mais parce que de toute façon, si tu le butes, après, il y a des témoins autour, c'est pas marrant, tu vois. Mais non, c'est mais quand même... Il y a le truc après scène. Donc après, est-ce que c'est pas fini, hein? C'est pas fini, en fait, ça n'est pas fini, cette histoire. Non, mais excuse-moi, c'est qu'en fait, chaque morceau est épique, tu vois, c'est vraiment épique. Donc voilà, moi je te rassure, hein, je veux même pas que l'anecdote finisse. Hein. Moi je veux vraiment que tu m'en rajoutes. Je veux que tu m'en rajoutes. Là tu sais quoi, je bois du petit lait. Hein. Vraiment, je suis. Attends, c'est pas fini du tout. J'hallucine quoi devant cette histoire. Alors après, les jours passent, si tu veux, et je devais récupérer ma carte SD que j'avais passée pour qu'il mette dans son appareil, si tu veux, et récupérer les images qu'il y avait sur sa seule caméra présente. Il m'avait dit, ouais, je ferai le montage vidéo. J'ai vu comment t'es déjà venu pour filmer. Je pense que le montage vidéo, je vais le faire parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais du montage vidéo, je vais le gérer moi-même en fait. Il vaut mieux. Non, il sentait bien que j'allais pas lui faire le montage vidéo et donc le payer moins. Il le sentait, mais en même temps, faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire? Tout travail mérite salaire, mais si le travail est pas bien fait, faut pas déconner. Là, quand même, t'as été même plus que poli avec lui vu le fiasco du départ, quoi. Ouais, mais attends, il m'a encore fait autre chose après, mais je suis restée jusqu'à la fin. Ouais. Donc, je lui dis, je voudrais bien récupérer mes images, j'en ai absolument besoin, parce que RTL, moi j'avais RTL, et donc j'avais la pression, tu vois. Et il me donne un rendez-vous pour venir tout récupérer. Mais il me dit, avant, tu me payes. Ah, je fais non. Alors là, on va arrêter de déconner sous de la gueule du monde. Je dis, non, je te paye pas. Je te payerai quand j'aurai vu mes images, parce que vu le fiasco, si tu veux, ça ressemblera à rien, quoi. Donc, il me donne un rendez-vous, je me déplace et tout. Et il me plante, tu vois, donc il vient pas. Donc là-dessus, il me redonne un rendez-vous et à la rentrée, donc, et puis en début septembre, et puis il me dit, je lui dis, écoute, à midi, je suis chez toi, mais à 13h, moi, j'ai une réunion, parce que je bossais pour une radio en septembre, j'animais une matinale, et je lui dis, j'ai une réunion importante, donc faut pas déconner, quoi. Ouais, pas de souci. Je me pointe avec mon disque dur, midi, je sonne chez lui. Je réponds pas. J'appelle sur téléphone portable, réponds pas. J'appelle par Messenger, j'ai fait tout. Par WhatsApp, Messenger, j'ai tout. Je me suis emballée là, j'en pouvais plus. Tu lui as envoyé un pigeon voyageur même. Mais j'aurais bien voulu, franchement, du morse, tout ce que tu veux, je sais pas. Le Minitel, j'en sais rien, tu vois. 36-15 Jean-Luc. 36-15 comme Jean-Luc, j'en pouvais plus. Et je me dis, tu sais quoi, je suis prête à escalader l'immeuble, c'est le Spider-Man pour lui défoncer sa vitre, tu vois. Tant que j'ai pas mes images, je ne bouge pas d'ici, tu vois. Ouais. J'harcèle pendant 30 minutes, hein, 30 minutes à sonner à fond sur la sonnette d'entrée, à sonner. T'as été patiente, hein. Non, mais surtout que j'avais envie d'avoir mes images, en fait, Sofiane. Il y a un moment, c'était plus possible, tu vois. Et je devenais à bout de nerfs depuis le début du spectacle, puis les deux semaines qui suivent, tout ça. Enfin, c'était plus possible. Je veux dire, je comprends que tu voulais tes images et tout, mais je veux dire, il y en a qui auraient abandonné, pas dans le sens, c'est pas grave, mes images, je les aurais pas, mais dans le sens, attends, je sonne depuis 10 minutes, le mec, il est pas là, c'est sûr. Toi, t'es quand même resté longtemps, tu vois. Mais parce que moi, je sentais qu'il était là. Je suis une acharnée, moi. Ah, d'accord. Ah oui, ok. C'est sûr qu'il était là, le pays, tu vois. Enfin, le mec, on dit paye en Belgique, mais j'étais sûre qu'il était là et je me dis non, non, non, non. Et en plus, surtout qu'il avait ma carte SD en fait. Il avait ma carte SD. Tu vois ce que Oh, je veux dire? Mon truc. ouais. Moi, sans ça, enfin, tu vois, non, c'est hors de question. Et j'avais des Ah trucs ouais. dessus à moi, tu vois, qui étaient déjà dessus que j'avais besoin de récupérer, quoi. Donc, après, il répond avec une voix, ouais, désolé, j'ai pas dormi de la nuit, donc je me suis pas levée. Écoute, mec, moi, je suis venue depuis chez moi, là. Ça fait 30 minutes que je te harcèle à tous les sens. J'ai dit, mais non, tu vas m'ouvrir la porte et tu vas me donner mes images, ça va? Oui, c'est clair et précis. Franchement, c'est clair, net et précis. Ah non, mais là, j'en avais trop marre. Je monte, j'arrive, il m'ouvre la porte. Et il me dit, voilà, ça, c'est les images donc, de son plan large qu'il avait fait parce que c'était la seule caméra qu'il y avait. Et il me met sur mon disque dur. Et bon, franchement, je vois les images, ça va pas. Tu vois, je peux pas les utiliser pour RTL parce que la Oh. lumière. Enfin, il n'y a rien qui a été fait comme essai de lumière avant, c'est une cata. Enfin, tu vois, je suis un peu flou, un peu comme. Enfin, je sais pas, ça va pas, tu vois. Ouais, c'est pas propre pour la télé, quoi. Non. Et du coup, mais je les prends quand même, parce que moi, je me dis, ça me permet de voir où j'ai bugué dans le spectacle. Enfin, je pourrais m'en servir pour ça, pour moi, tu vois, pour me faire un retour. Et Bien après, je sûr. lui dis, mais est-ce que je peux avoir ma carte SD maintenant? Ouais, bah c'est quand même la base. Alors, je lui dis, est-ce que je peux récupérer aussi ma carte SD? Et je me dis qu'on en finisse, j'en peux plus, quoi. Ouais. Et alors il cherche, il dit je sais pas où je l'ai mise. Là je vais le buter, Mais là j'en c'est ai marre. pas vrai. depuis tout ce que je t'ai raconté du début, on n'a pas encore fini, mais c'est Ouais. une caméra cachée en fait. C'est quoi le délire? Alors il commence à chercher, tu vois. Mais son appart c'est pas le Buckingham Palace, c'est tout petit. Donc je veux dire, il y a un moment, ça va, tu vois. Ouais, normalement tu devrais réussir à t'en tirer dans ton 3 mètres carrés, oui. C'est ça, il n'y a pas besoin d'un robot et d'un drone. Enfin je veux dire, ça va aller. Il cherche, il trouve pas. Et je le regarde chercher. Mais franchement, des fouilles archéologiques, mec. Hein. Je sais pas si c'était un jeu de piste à la fouille de la recherche du trésor de Rackham le Rouge. Il Ouais. ne le retrouvait pas, tu vois. Et à un moment, Limite, il a retrouvé des autres dinosaures, mais pas ta carte c'est SD, ça. quoi. Et à un moment, il part dans sa cuisine. Il ouvre sa porte. Il ouvre sa boîte à thé. Il cherche dans les boîtes à thé et dans sa boîte à café. Et là, je me dis, waouh. Et je la regarde, et je dis, mais ma carte SD, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la boîte à thé, dans la boîte à café? Enfin, il y a un moment, oui, mais je suis tellement distrait. Ah, je dis, non, mais là, t'es plus distrait, là, le cerveau, il coule carrément, mec. Hein. Il y a un moment. Et elle était dedans du coup? Non, mais Ah. c'est quand même complètement Ah, improbable d'aller chercher j'avoue que ouais. dans ta J'avoue que cuisine. si tu retrouves, j'avoue que si tu retrouves la carte SD dans la boîte à thé, je veux pas savoir ce qu'il a mis dans le portable ou dans l'appareil photo, hein, tu vois. Tiens, c'est marrant, mon appareil, il sent la bergamote. Tu vois, il y a un truc. Mais un sketch, et je dis, bon, bah écoute, et puis en fait, si tu veux, il ne l'a jamais retrouvé. Donc je lui dis, écoute, mec, moi, maintenant, Oh. cette réunion, mais là, j'étais méchante, parce qu'à un moment, c'est bon. Je dis, mais non, écoute, enfin, méchante, non, mais à un moment, j'écoute, tu te démerdes, Ferme. et Ouais, t'as tu été la ferme, ramènes quoi. à mon mari tout à l'heure, je dis, à son boulot, je veux ma carte, et c'est ce soir, hein, je te préviens. Donc finalement, il la ramène, et je me dis, top, je vais regarder si j'arrive quand même à avoir quelques images sympas sur ça, puisqu'il avait filmé avec mon appareil. Ouais. Je mets la carte SD dans mon ordinateur. Un peu contente et pas, mais bon, soit. Et alors, si tu veux, c'est bien parce qu'il avait fait un plan sympa, tu vois, proche. Et alors, Ouais. on entend les applauses des gens, 5 minutes Ouais. comme ça, avant que j'arrive. J'arrive, la lumière s'allume, j'ouvre la bouche, ça coupe, fini, il n'y a plus rien qui est filmé. Oh non! Et La poisse jusqu'au bout, quoi. jusqu'au bout, et à la fin, ils m'ont encore demandé de le payer. J'ai dit, écoute, mec, la seule chose que je vais te payer, c'est ton déplacement en métro, mais le reste, tu vas te faire voir, en Oh fait. là là là là là. Ah mais j'avoue que tu as eu raison parce que c'est une prestation que tu lui as demandé. Rien n'est allé correctement de A à Z, quoi. C'est une galère, mais c'est en même temps, quand je le raconte, les gens ne me croient pas. Ils me disent, Mais mais c'est rassure-moi, impossible. dis-moi que tu le racontes sur scène, ça. Non, il Mais faudrait. tu devrais. Ah, c'est génial. Il Là, faudrait là, là. Non, mais que tu sais quoi? On dirait un scénario. je. C'est un sketch entier, en fait. Mais c'est tellement improbable. Tu dis, mais c'est une succession de choses. Mais comment c'est possible, en fait? Si même Gaston Lagaffe, il n'en fait pas autant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment balèze quand même. Parce que si tu veux, bon, après le côté pas de bol, la lumière était pas bonne et tout machin, bon, ça peut arriver, tu vois. Mais le côté je m'engage à te ramener trois caméras et un micro, et finalement c'est toi qui me fournis une caméra et un micro, ah, c'est quand même, je sais pas quoi, c'est de la négligence, et je sais pas quoi dire. Mais moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais plus Ah, quoi mais. dire. Vraiment, ouais, non, je compatis et merci beaucoup parce que c'est vraiment une anecdote magnifique. Moi, je te dis vraiment, tu m'as régalé tout le long et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux avec, ben, on cherche la page Jean-Luc Caméraman, non? C'est. Oh purée, je devrais en créer une, mec. Non. Donc, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Alors, Instagram, c'est Amandine Elsen. Donc, Amandine, puis Elsen, Elsen, si je ne me trompe pas. D'accord. Sur Facebook, ben, c'est du coup la page artiste, c'est Amandine L apostrophe scène comme une scène. Et ensuite, sur mon site internet, parce que là, il y a toutes les infos, c'est www. Oui. Amandine-Elsen, donc là, Elsen.com. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.